Activité 4, page 79. Piste 60. A. Il fait beau. B. Il fait mauvais. C. Il fait frais. D. Il fait du soleil.